Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Les images de Mathieu Palais explorent principalement le thème de l'éloignement et de l'isolement dans les zones géographiques sensibles. Après de nombreuses années passées en Asie, Mathieu s'est établi à Istanbul, un excellent camp de base pour continuer son travail. Aujourd'hui photographe pour le National Geographic, Mathieu Palais continue à parcourir avec passion les régions reculées de Haute-Asie. Je l'ai rencontré dans le cadre de sa conférence au Grand Bivouac à Albertville. Mathieu et sa femme étaient là pour présenter le livre « Pamir, oublié sur le toit du monde », le résultat de plus de 10 ans de travail auprès des Kirghiz afghans. Allez Mathieu, à toi. Mathieu est donc Mathieu Palais et ma femme Marie-Leu qui a écrit le texte pour ce livre dont on va peut-être parler, ou cette aventure. On va en parler, mais pas tout de suite. D'abord, j'ai envie de m'intéresser un peu à toi, avant tout, savoir qui tu es, d'où tu viens et comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, peut-être que je vais quitter la France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui es-tu? On va revenir aux origines du voyage. Pourquoi je suis parti ou... Ouais, les origines. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu te dis, peut-être que j'ai envie de quitter ma Normandie natale pour aller voir ailleurs? Difficile, hein. Pourquoi les gens bougent? Les gens ont toujours bougé, hein. Les êtres humains n'ont pas arrêté d'avancer. Hein. Pas tous. Moi, je suis issu d'une famille assez traditionnelle, c'est-à-dire que mon père est docteur, petite bourgeoisie rouennaise, environnement très cultivé en général, avec des parents qui ont voyagé dans les années 70, 80, au Népal, en Afghanistan. Donc j'étais baigné un peu dans ce domaine-là. Et puis mon père, quand j'avais 5 ans, a acheté un Ford Transit qu'il a transformé en camping-car. Et puis là, chaque année, on partait un mois peut-être au nord de l'Afrique, dans l'Europe de l'Est. On allait en Turquie en voiture, en camping-car. Et j'ai découvert un peu cette vie en mouvement. Et je pense que ça m'a laissé une marque. Et puis quand j'ai fait des études de commerce avec l'Asie, donc j'avais déjà une ambition peut-être de faire quelque chose qui aurait lieu avec l'Asie. Pourquoi l'Asie? Les gens vont vers l'Est. Je parlais avec un ami hier soir, il dit que les gens qui projettent dans l'avenir regardent vers l'Ouest, vers les Amériques, et les gens qui aiment le passé et les cultures, les choses vieilles, se tournent vers l'Est. Donc moi, je me suis tourné vers l'Est, parce que j'avais toujours attiré par ça. J'ai un peu de regard d'anthropologue, ethnologue, en tant que photographe dans tout mon travail. Et donc, je suis parti à ce moment-là en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Malaisie avec le peu d'argent que j'avais. Voilà. Donc ça, j'ai mis un pied en Asie. Et puis après, ça c'était en... Et après, là, j'ai eu une grosse crise. J'avais 23 ans, c'est un peu à cet âge-là, on se pose des grosses questions sur qu'est-ce que je vais faire avec ma vie. Et j'étais pas satisfait de mes études de commerce avec l'Asie, même si c'était intéressant. Et je me suis posé des questions sur les choses qui... Un métier en fait qui n'aurait pas de règles bien précises. Et le théâtre par exemple m'attirait, il y avait d'autres trucs qui m'attiraient. Puis la photo bien sûr est une profession où on peut un peu avoir libre cours à la direction de sa carrière, on est indépendant, etc. Donc c'était un peu un rêve fou à l'époque, faire de la photo. Encore une fois, avec le background familial que j'avais, c'était qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler dans la rue principale à Rouen et puis vendre tes photos de mariage et d'identité. Non, j'avais plus d'ambition. Et puis, on est parti à ce moment-là. Bon, j'étais en Indonésie, j'ai rencontré Marie-Leu, qui est ma femme maintenant, qui est allemande, qui voyageait là-bas. Et puis on est parti à New York. Marie-Leu a fait des études de graphisme là-bas et j'ai été pris dans une école de photo. J'ai fait mes études de photo. À la fin de ces études, je me suis dit qu'il faut que je parte quelque part pour me tester un peu en tant que photographe. On est parti en Mongolie en 98 pendant 3 mois. Et on est tombé. C'était une expérience plus personnelle, un peu égocentrique de voyage, mais qui nous a révélé un petit peu nos envies de voyage et quel type d'environnement nous transportait, nous choquait parfois, parce qu'on ne comprenait pas le comportement des Mongols, par exemple. Au début, on ne comprenait pas leur rudesse et leur, leur manque de conscience de l'intimité ou de tout ça, qui sont trop propres aux populations nomades. Et ça nous a choqués en même temps, parce que ça nous choque et ça nous intrigue. Et en même temps, vu que c'est là et que ça a des origines lointaines, ça a une raison d'être. Donc on a commencé à creuser dans cette direction-là, en Asie centrale. Et puis un jour, il y a eu une opportunité via un ami qu'on avait rencontré sur Internet qui vivait au Pakistan, de partir au nord Pakistan, dans les montagnes du Karakoram et de l'Hindoukouche en 99. Et là, on est parti là-bas et on a mis le doigt dans l'engrenage, dans la soupe de l'ouest himalayen, de ces montagnes méconnues. Quand on parle Himalaya, les gens pensent au Népal, au Bhoutan. Mais les plus grandes montagnes au monde, la plus grande concentration au monde de belles montagnes, c'est au nord Pakistan. Et on a vécu là-bas, on a travaillé pour des ONG, j'ai appris la langue, on travaillait avec Marelle en tant que graphiste et moi en tant que photographe. Et puis ça a été en séjour cumulé près de 4 ans de notre vie. Et puis de fil en aiguille à découvrir, à toujours aller chercher au-delà du prochain col, ce qu'il y avait, etc. Bah, on est tombé sur un peu la cerise sur le gâteau, c'était les montagnes reculées du Pamir en Afghanistan. Et puis voilà. Tu me parlais de photographie. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut être... qu'est-ce qu'on apprend dans une école de photographe ? Est-ce qu'il faut passer par une école pour faire de la photographie de reportage comme tu le fais ? Bah non, je pense pas, mais... c'est peut-être un... J'imagine, je pense qu'en fait, l'école photo, c'est plus dans établir un network d'amis qui vont être dans le même métier que toi, qui vont pouvoir t'entraider, parce qu'il y a beaucoup de ça dans la photo, où faut connaître des gens. Moi, je ne m'y colle pas assez, parce que je suis souvent par Mont et par Vaux, où j'ai vécu à l'étranger, après à Hong Kong pendant 9 ans, toutes ces zones-là où j'étais pas trop dans le milieu photo, pour essayer de... Donc l'école photo pour la technique, je pense que c'est pas forcément quelque chose de très utile. Je pense que sur le terrain, j'ai appris beaucoup plus. Oui, j'ai tout appris sur le terrain en fait. J'ai rien appris à l'école. Hein. Et ce que je pense des études en photo, c'est vraiment une de ces professions où c'est un métier qui s'apprend sur le terrain principalement. Après, oui, j'ai appris comment éclairer une scène en studio, etc. Des choses dont je me suis jamais servi de ma vie après. Je travaille jamais en flash ou en lumière artificielle, donc. Après je prends énorme plaisir toujours maintenant digital sur l'ordi à travailler mes images comme je le sens et donc ça m'a appris quelque chose, ouais. Donc tu retravailles tes images, hein, celles que tu prends, tes instantanées, tu les retravailles avec un logiciel derrière. Bah, on les retravaille forcément, je veux dire, moi je fais des photos en RAW, je ne veux pas rentrer trop dans l'aspect technique, mais il faut les développer ces photos pour qu'elles aient la gueule qu'on veut. Après, moi j'ai toujours été séduit par le grain, par l'aspect chaud, tonalité chaude du négatif. Et donc je cherche à reproduire, c'est bizarre parce que je sers à partir dans le passé avec du numérique, le traiter un peu comme du négatif pour lui donner une chaleur comme ça. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Il y a 3 ans, j'ai commencé à travailler en galerie et là, ça a été un retour en fait à l'impression. Travailler avec un mec qui me préparait mes fichiers, on regardait le tirage, on imprimait et tout. Et là, ça a été un vrai bonheur pour moi de retomber un petit peu dans le produit fini. Avant, t'envoies un fichier digital à un magazine qui est à l'autre côté de la planète et puis t'envoies une copie du magazine 2 mois, 3 mois plus tard et puis t'espères que ça aura la gueule que tu as et puis tu pries le bon Dieu que ça ira. Mais en galerie, tu fais ce retour à la source d'impression. Ça, c'est un plaisir que j'adore, moi, j'adore. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rêvent de pouvoir vivre de la photographie. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Est-ce que c'est possible de faire ce que tu fais, finalement, partir faire du reportage, bosser pour des grands magazines et en vivre ? Ouais, alors ça, j'ai souvent des emails de, entre guillemets, de petits jeunes qui démarrent, qui veulent savoir mais comment on fait ? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas un chemin. Il faut se créer son chemin qui doit être unique. Je pense qu'il faut avoir déjà soit un sujet de... Mes quelques conseils, ça serait d'avoir un sujet de un style. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un a un magazine dans ses mains et puis il ouvre une page et puis il voit une photo, il se dit tiens, ça doit être Mathieu. Parce qu'il voit quelque chose, soit le sujet que j'ai traité, soit la manière dont c'est tiré, ils sentent qu'il faut qu'il y ait une patte. En fait, ça aide à survivre dans la photo. Se créer sa propre identité, en fait. Voilà, ouais, soit dans le sujet, soit dans le traitement des images, ou dans tout, à tout point de vue. Les plus belles idées, c'est celles, à mon avis, que tu peux pas rechercher sur Internet à l'avance. Et c'est l'histoire, par exemple, de ce bouquin-là qu'on vient de sortir sur le Pamir. C'est que c'est une histoire qui nous est tombée comme ça, tout cru par hasard, des tours d'un col. On voit ces gens, on se dit qu'est-ce que c'est, on rentre dedans. Et puis c'est pas en faisant des recherches sur Internet que j'aurais trouvé ce type de reportage. Après, j'ai fait d'autres sujets. La plupart des sujets que j'ai fait, c'est des sujets avec des fixeurs sur le terrain à l'avance qui vont préparer le terrain. Je vais faire des recherches, entrer en contact avec des gens. On arrive avec des idées un peu préconçues sur ce qu'on va rechercher en type d'imagerie, de photos. Ça peut très bien se passer et moi j'ai des super expériences avec ça. Mais le cadeau du photographe, le Graal en fait, c'est de trouver cette histoire qu'on n'aurait jamais rêvé en fait. Alors j'aimerais bien qu'on ouvre le bouquin, peut-être à la page où on peut trouver une carte pour que tu nous donnes une représentation grâce au son de ta voix, une représentation visuelle. De la région dans laquelle tu as travaillé, de ce qui s'y passe autour. Voilà, donc ouais, c'est très compliqué en fait. Cette zone-là, ça s'appelle le nœud pamirien parce que c'est un nœud en fait de montagne, de l'extrême ouest himalayen. Alors le début ou la fin de toute la chaîne himalayenne, ça dépend de la manière dont on le regarde, démarre dans cette zone-là. Donc en Afghanistan, il y a le corridor de Wakhan qui est un doigt qui pointe à l'est, en haut à droite de l'Afghanistan. Et c'est la zone de frontière commune entre l'Afghanistan et la Chine. Et au bout de ce doigt qui pointe donc vers l'est, il y a un haut plateau qu'on appelle le plateau du Haut Pamir, du petit Pamir, et c'est là où les Kirghizes vivent. Et donc il faut 5 jours de marche, après avoir déjà fait de la route pendant 5 jours, pour 10 jours en gros, 10-12 jours pour accéder au premier Kirghiz qui vit là-haut. Et quand parles de Kirghiz, ce que je comprends pas, c'est que quand je vois au nord, je vois le Tadjikistan, et le Kirghizistan, je le vois là, donc les Kirghiz, je les imagine au Kirghizistan. Bien, oui, non, il faut me resituer parce que moi, ça fait tellement longtemps que je suis dedans que j'oublie un peu les essentiels. Donc qu'est-ce que les Kirghiz font au Pakistan ? En Afghanistan. Et au Pakistan, bon, ils descendent dans les voies basses avec les vallées basses avec leurs animaux. Les Kirghizes viennent de Sibérie hein, au départ, il y a peut-être 1000 ans. Et puis c'est des nomades, donc les nomades, le trait du nomade, c'est qu'il avance, il cherche de l'herbe plus grasse pour ses animaux, il cherche un endroit où on ne va pas l'embêter. Et puis donc des Kirghizes, il y en a au Kirghizistan principalement, il y en a un petit peu en Ouzbékistan, il y en a au Tadjikistan, dans l'est tadjik, il y en a dans l'ouest de la Chine, et il y en a dans le petit Pamir en Afghanistan. Il y a une toute petite communauté de Kirghizes qui au départ venaient dans le petit Pamir l'été, et repartaient dans les vallées basses en hiver, en Chine ou au Tadjikistan. Bon, à ce moment-là, c'était la Russie, le Tadjikistan. Et puis, en 1920, les frontières avec le Tadjikistan, avec la Russie, ont fermé. Et en Chine, en 1950, la révolution culturelle, Mao, a fermé les frontières aussi. Donc, ils se sont retrouvés bloqués là-haut à vivre à l'année. Et voilà, donc les Kirghizes, ils sont présents dans plusieurs pays. Mais ce que j'imagine pas quand on dit bloqué, moi je vois une région très montagneuse, est-ce qu'il y a des gens à chaque col pour justement bloquer l'accès d'un pays à un autre ? Est-ce qu'il y a des vraies frontières qui existent ? Oui, il y en a du côté tadjik, où vraiment il y a des mecs avec des clôtures barbelées. Il y en a du côté chinois, certainement dès qu'on rentre, on passe un haut col. Bon, pas sur le col même, mais en descendant, on va voir... Des garisons de Chinois avec des Kalachnikovs qui vont vous dire qu'est-ce que vous foutez là, qui vont risquer de vous mettre en tôle. Et au Pakistan, par contre, il y a un intérêt mutuel pour les Pakistanais, les autorités pakistanaises laissent les Kirghizes rentrer un tout petit peu à une journée de masse dans les vallées basses pakistanaises pour que là ils troquent leur yak contre de la farine, contre des denrées, parce que le petit Pamir, ils sont donc les Kirghizes qui vivent là-haut, vivent à 4200 mètres à l'année et absolument rien ne pousse là-haut. là-haut. Et donc ils ont besoin dans leur nourriture, un des ingrédients majeurs c'est le pain, donc ils ont besoin de farine, donc ils descendent dans les vallées basses et ils échangent ce qu'ils ont. Et qu'est-ce qu'ils ont eux? Bah, c'est des yaks, c'est des chameaux, c'est des chèvres, c'est des moutons, donc qui des échanges côté pakistanais et dans les vallées basses côté afghan. Donc toi tu as d'abord été du côté pakistanais, hein, avant de passer en Afghanistan. Voilà, tout à fait. Au début, on rencontre ces Kirghizes dans les vallées basses pakistanaises qui arrivent avec leur yak, donc ils viennent troquer leurs animaux. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils foutent là? Parce que comme tu le disais, pour moi, le Kirghiz, il habite au Kirghizistan, quoi. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Il y avait un des Kirghizes qui avait un chapeau Kirghiz sur la tête, un kalpak, on comprenait pas trop. Et donc, ouais, ils descendent dans les vallées basses. Donc nous, on les voit, on commence à prendre des photos, on les accompagne par de l'alcool, on rentre un petit peu en Afghanistan, mais c'est pas un point d'entrée légal, donc on peut pas vraiment pénétrer. Et puis on les voit qui partent et qui rentrent à la maison, on sait pas, quoi. Ils tournent dans la vallée et puis voilà. Donc le mystère est resté entier pendant plusieurs années. Et en 2005, on a fini par prendre la route et aller via Kaboul, remonter tout le corridor du Wakhan pour aller vraiment sur le terrain les rencontrer. Mais l'Afghanistan est un pays qui effraie et qui fait peur de par sa situation politique. Est-ce qu'on peut facilement y aller? Est-ce que cette partie-là de l'Afghanistan est safe? Comment on va là-bas? Bah, y a plusieurs manières d'y accéder, mais la plus simple en ce moment, c'est d'accéder par le Tadjikistan, via le Tadjikistan. Donc on prend l'avion pour Dushanbe, capitale du Tadjikistan, puis après on prend l'autoroute du Pamir qui suit la frontière afghane à côté d'une rivière qui s'appelle la Mudaria et qui arrive à un bled qui s'appelle Ishkashim et qui est en fait l'entrée du corridor du Wakhan. Donc on peut passer, là il y a un point d'entrée légal et là il faut encore obtenir l'autorisation d'un commandant en fait, qui détient la région du Wakhan, que lui accepte de te laisser te balader là-bas et passer. Voilà, donner un papier où il y a marqué on peut pénétrer. Et après, bon, l'aventure n'a pas encore commencé. Hein. Après, il faut encore prendre deux jours de jeep pour faire 150 km. Et après, il faut commencer à marcher. Voilà, donc c'est ça le moyen de déplacement, c'est que la marche, il n'y a pas de piste dans cette partie-là de l'Afghanistan. Non, c'est l'endroit le plus isolé de la Haute Asie, hein, à ma connaissance. Il n'y a pas plus loin en Asie, en Haute Asie, il n'y a pas plus isolé. Hein. Un coin complètement paumé au milieu du Tibet, il va y avoir un Chinois, il y a quand même de la réception au niveau du téléphone, il y a quand même un moyen d'envoyer un hélico, etc. Là, s'il y a un problème sur la route, une fois qu'on a dépassé le dernier village et qu'on commence à marcher, eh ben on ne tient qu'à soi de s'en sortir. Si on va se mettre sur un yak, si on se casse la patte, eh ben good luck. Et c'est ça aussi qui nous a séduits dans cette région. Et c'est un peu dommage parce qu'on a démarré au Pakistan. Et en rétrospective, après moi j'ai été envoyé en reportage au Bhoutan, au Népal, au nord de l'Inde. Bon, c'est de la montagne hollywoodienne presque quand on arrive et qu'on fait le trek pour aller au camp de base de l'Everest par exemple. C'est, on peut boire du Coca-Cola et de la pizza. Moi je m'en fous que ça soit l'Everest. Moi je veux me retrouver face à la montagne en tenant qu'à moi de m'en sortir s'il y a un problème. C'est ça la montagne, c'est ça se retrouver vraiment exposé, c'est ça l'aventure. Après il y a des coins dans le Népal certainement, j'ai pas eu la chance peut-être en tout cas qui sont comme ça, mais là pour le coup c'est vraiment à ce niveau là pour moi il n'y a pas d'équivalent. C'est... puis bon, il y a l'aspect Afghanistan aussi, ça fait rêver, ça fait rêver mais ça fait peur. Et en fait quand on est sur place on est ébahi par la gentillesse des gens, il y a des règles non écrites en Afghanistan qu'il faut apprendre à connaître, qu'il faut apprendre à respecter. Tout ça fait que c'est un pays qui peut pas laisser indifférent et qui marque à jamais, hein. Tu disais trek de l'Himalaya, un peu boire du coca, bouffer de la pizza. Qu'est-ce qui fait que tu préfères les contextes difficiles où justement il n'y a pas de McDo à chaque col? Pourquoi? Qu'est-ce qui va intéresser? Qu'est-ce qui te plaît dans ces situations d'inconfort finalement? Je sais pas, c'est une question. C'est, là, on reste presque dans le domaine spirituel, toi, pour moi en tout cas. Hein, c'est un gros mot, hein, je ne veux pas rentrer dans les grands mots, mais c'est. Cet isolement, il permet une pureté de. Une clarté d'esprit, en fait, au fur et à mesure que les jours passent, les semaines de temps en temps. Que je peux pas avoir si je suis entouré, si je peux m'asseoir et boire un Coca-Cola, et si tu vois là, il faut se débrouiller le soir pour faire notre bouffe, on porte tout sur notre dos, de temps en temps on a des animaux avec nous, mais on a le poids en fait de notre maison sur le dos, on a ce sentiment que cette aventure qui est en train de, et que ce prochain tournant qu'on va prendre à cette prochaine vallée en gardant notre carte, il ne tient qu'à nous. Et pour moi c'est important, je veux pas laisser les autres, je veux pas me laisser guider, moi je veux trouver mon chemin. Et ça a toujours été dans ma démarche, dans le voyage comme dans la photo, je veux trouver mon chemin, je veux pas qu'on me dise tu vas par là. Et quand les gens me demandent comment tu fais, bah, je dis bah, il n'y a pas de solution, moi ma solution, il y a plein de solutions, et ma solution elle a marché, elle marche bien, mais toi ta solution il faut aller la trouver en connaissant tes envies, tes désirs, et voilà. C'est la balance entre le délire presque égocentrique de se surpasser et puis la rencontre des gens dans les hauts pâturages ou des gens qui descendent de hautes vallées, on ne sait pas d'où ils viennent. Ça, c'est un truc, l'aspect humain, hein, une fois de plus. Il y a toujours deux volets dans mes voyages. C'est l'aspect personnel, mais qui devient de moins en moins important au fur et à mesure des voyages. Et après, l'aspect des gens où je me mets à genoux devant eux, quoi, tu vois. Je parle en termes... c'est une image, mais je me mets à genoux devant eux pour mieux les comprendre. J'apprends leur langue. J'ai appris l'ouari, j'ai appris l'ourdou quand on a vécu là-bas. Pour moi, c'est important. Je ne veux pas fonctionner en triangle avec un traducteur. Je veux pouvoir avoir un contact direct. Tout ça dans la démarche d'avoir des photos plus intimes, plus profondes. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi. Alors les photos, on va en regarder quelques-unes. Donc le bouquin s'appelle Pamir oublié sur le toit du monde. Ouvre une page au hasard. Une page au hasard. Ou alors une photo que tu as envie de me montrer, une photo que tu aimes bien. Une photo qui parle plus qu'une autre ou qui te parle plus qu'une autre. J'aime bien ça. Pour démarrer un peu le voyage dans les vallées basses, j'aime beaucoup ce genre d'atmosphère très particulière de cette région. C'est un thé entre femmes chez Catchbeg. Dans mes légendes, dans mon texte, il y a énormément de noms de gens, etc. C'est pas pour la ramener, c'est juste pour montrer que c'est des gens. Quand je mets son nom, c'est parce que je le connais, je sais la tête qu'il a, il connaît mon nom, il me voit arriver. Bon, là, c'est sa femme qui est morte depuis. Et ils sont en train de prendre le thé. Et c'est un moment paisible dans des maisons qui sont d'habitude très très mouvementées, entre la popote qui sont en train de préparer, le feu, les gamins qui courent à droite à gauche, qui hurlent. Et là, c'est un moment calme. Les, les femmes se mettent à table, se mettent en cercle autour du four et prennent un thé. Et puis il y a cette atmosphère très entre guillemets théâtrale, avec la lumière qui arrive tamisée de l'extérieur et qui tombe sur elle comme sur une scène un peu de théâtre. C'est les environnements que je recherche comme ça, avec lumière tamisée et à la limite où on peut encore prendre des photos sans trépied, parce que c'est juste à la limite du gérable, parce que la lumière est très faible. J'adore ça. Donc moi, ça, c'est quand je rentre là-dedans, je suis comme un fou. Mais avant de prendre, j'arrive pas en prenant des photos. J'arrive en parlant, en leur demandant comment ça va, en leur parlant. Puis après, peut-être que je vais prendre des photos si l'envie s'y prête. Voilà. Dans les bergeries, ça va peut-être descendre à moins 20, mais bon, il faut avoir tous ces appareils sur soi, parce qu'autrement, toutes les batteries sont vidées rapidement. Donc, conditions très difficiles, surtout en fumée, à l'intérieur, parce qu'ils font tout le feu avec des boues séchées. Donc, physiquement, assez éprouvant, puis l'isolement, mais... la joie, toujours dans mes voyages, il y a beaucoup de joie et de sourire et de rigolade, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre? Donc ça, avec les gens, toujours, je suis le premier à déconner, quoi. Et puis je parle en langue, donc ça me permet vraiment et ça j'adore, c'est une drogue aussi, c'est de me retrouver à des milliers de kilomètres de chez moi, et puis de déconner avec un humour froid, avec un wari qui descend avec ses yaks et se me fout de lui, et lui il se fout de moi en retour, et on s'éclate, on rigole. C'est incroyable de découvrir cette humanité commune qu'on peut avoir quand on est si loin de chez soi, ça c'est pour moi la raison d'être du voyage. Le voyage, qu'est-ce que c'est pour toi? Tu peux me le définir? Si tu devais expliquer, on te dit qu'est-ce que c'est pour toi le voyage? Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça apporte? Le voyage, c'est quoi le voyage? Ça peut être plein de choses. Le voyage, ça peut aller chercher la baguette de la rue le matin, ça peut être apprendre une nouvelle langue, c'est un voyage. Quand tu apprends une nouvelle langue et tu découvres des similarités entre nos langues. En Wari, mais on est à des milliers de kilomètres de chez moi, en Wari, aller à pied, c'est Pioda. Pioda Rechen. Pioda, c'est à pied, c'est la même origine. Le mec, putain, mais attends, on est à la frontière avec la Chine. Pour moi, c'est le voyage. Le voyage, c'est dans la langue, c'est dans la découverte d'autrui, mais avant tout dans la découverte d'autrui. Je pense que l'évolution du voyage, c'est au départ la découverte de soi-même, parce qu'on démarre par ça, on démarre avec ce qu'on a, on a soi, on se découvre comme ça. Et après, très rapidement, à mon avis, il faut que ça soit absolument tourné juste vers les autres. Combien de fois je me suis pris à tirer un jugement hâtif sur quelqu'un que je venais de rencontrer en disant « bah ça, c'est une type de personne » et boum, parce qu'il avait une gueule, parce que j'étais au Pakistan, le mec, il avait la barbe, et la gueule, et il avait les sourcils, machin, j'y suis, il va me tuer, et puis il me donne des grandes tapes dans le dos, il m'invite à aller chez lui, et puis on passe la nuit à parler des étoiles et je ne sais quoi. Bon, c'est génial, ça, c'est ça le voyage, c'est se surprendre et découvrir en fait que on a cette humanité commune. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde Ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regarddailleurs.org.